lorsque l'âme est détruite et qu'il ne reste que de l'énergie, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'homme retourne aux sept frères. Pour que l'homme retourne aux sept frères, il faut que l'âme soit détruite. Parce que l'âme sert à l'expérience, à l'évolution de l'homme pour le bénéfice des sept frères. Mais lorsque les frères ont été réparés, à ce moment-là, l'âme, elle, est détruite pour que l'homme puisse retourner aux frères. Sans ça, l'homme ne pourrait jamais retourner aux frères s'il y avait une âme. Oui, les frères sont universels, mais il y a des liens particuliers qu'un homme puisse avoir avec les frères. Les frères ne font pas partie du rayon. Les frères font partie des gouvernements invisibles de la galaxie, de l'univers. Il faut que tu sois dans le rayon pour retourner tes frères. Il faut que tu sois dans le rayon pour pouvoir retourner à tes frères parce que c'est le rayon qui va te donner le système de transport pour retourner aux autres. Tu as besoin d'un système de transport pour retourner aux frères, puis c'est le rayon qui te le donne, ce système de transport-là. Tu nous as parlé des trois premiers frères seulement. Ça n'a pas été possible. Ce qui veut dire que pour notre évolution, nous autres, à arriver à détruire l'âme et s'en aller vers le rayon pour se rendre au troisième frère et le détruire lui parce que c'est lui qui est le frère luciférien pour après ça avoir accès au rayon? Je comprends rien. Laissez-moi avancer bien lentement là-dedans. Parce qu'ils ne veulent pas avancer trop vite là-dedans. C'est l'homme. Attends une minute. Ce que j'appelle le frère, un frère, c'est un gouvernement. Un frère, c'est un gouvernement. C'est la totalité d'un gouvernement, un frère. C'est la totalité de la science de ce gouvernement-là, un frère. C'est la totalité de la mémoire de ce gouvernement-là, un frère. Une minute. Et la perfection de la mémoire de ce gouvernement-là, c'est la limite du frère. Et à un certain moment, ce gouvernement-là a besoin d'aller plus loin dans son évolution. Et pour qu'il aille plus loin dans son évolution, il est obligé de créer des conditions où l'énergie puisse, sur une planète quelconque, évoluer. Et c'est là que l'homme entre en jeu. En permettant que l'homme soit sur une planète, l'énergie qui fait partie de l'intelligence de ce gouvernement-là, de ce frère-là, est mise en activité. Alors, dans le passé, il y a eu contact entre l'homme ou entre l'homme primitif et des membres du frère. Nous autres, on appelle ça des extraterrestres. Mais les frères sont beaucoup plus hauts que ce qu'on appelle des extraterrestres. C'est pour ça que j'aime pas ça le mot extraterrestre. Alors, il y a eu des contacts entre l'homme non racial et le frère, ou des membres du frère. Et automatiquement, ça a permis que l'homme ici reçoive une vibration supérieure pour son évolution. Et ça faisait partie du contact entre l'homme et le frère. Et lorsque ce travail-là est fini, automatiquement, le frère bénéficie de l'évolution de l'homme. Parce que ce qu'on appelle l'âme, qui est une mémoire, qui permet à l'homme d'évoluer ici, aussitôt qu'elle est détruite, cette mémoire-là, l'énergie dont elle est faite, cette mémoire-là, retourne. Sous le libre contrôle de l'homme. Et retournant sous le libre contrôle de l'homme, elle est elle est quoi? Elle est quoi? Elle est assimilée par le rayon. Et quand elle est assimilée par le rayon, qu'est-ce qui arrive? Elle permet à l'homme de remonter. Elle permet à l'homme de remonter vers le frère. Parce que le frère, il est situé dans le temps, à un certain niveau de l'énergie du rayon. Il y a des frères qui sont très, très, très, très, très, très, très, très, très, très haut dans l'énergie du rayon. Et ce sont ces frères-là qui sont ou qui font partie ou qui dirigent l'évolution des systèmes. Attends, c'est parce que j'ai une autre affaire à dire, pas je le perds. Nous autres, quand on parle du rayon, on a tendance à considérer le rayon comme étant simplement une énergie. C'est vrai. Mais le rayon est beaucoup plus que ça. Le rayon est intelligence. Et dans l'univers, il y a différents niveaux d'intelligence. Et dans l'univers, il y a ce qu'on appelle des frères qui sont situés très haut dans la vibration de l'énergie qu'on appelle de l'intelligence. Et ce sont ces êtres-là qui dirigent l'évolution. Et ces êtres-là font partie de ce qu'on appelle nous autres, les anges, les archanges, puis toute la bataille. Autrement dit, les hautes hiérarchies, les anges, les archanges, ce qu'on appelle ésotériquement les anges et les archanges, font partie du frère. Autrement dit, ils font partie d'un gouvernement mondial. Universel. Et l'homme doit retourner, et c'est ça qu'on appelle la fusion avec l'ajusteur de pensée. Ça marche-tu un petit peu? Mm-hmm. C'est plus clair. L'âme, c'est le monde. C'est le monde, c'est pas ça. Ouais, c'était nécessaire. Alors, il y a une chose intéressante qui vient. On se demande souvent, maudit, on se demande souvent. C'est plutôt dans la fusion qu'on réalise le plus ça, parce que quand on est dans la fusion, on est très près du frère. Mais il se produit une chose quand on est fusionné, c'est qu'on s'aperçoit que la liberté de l'homme doit être contiguë avec la perfection du monde dans lequel il vit. Sans ça, si l'homme ne vit pas dans un monde parfait, sa liberté est limitée. Parce que il y aura toujours des conditions extérieures qui casseront les pieds et il sera toujours obligé d'actualiser le rayon contre ces conditions-là. Tandis que dans l'éther, l'homme vivra dans un monde parfait et c'est pour ça que c'est dans l'éther que l'homme sera totalement libre et c'est pour ça que sur la terre matérielle, même un initié ne peut pas être totalement libre. Il est bien libre dans son esprit, mais il n'est pas totalement libre. Quand il y a quelque chose qui passe les pieds, automatiquement, la force de conservation de volonté fait travailler le rayon complet. Le rayon, il est toujours présent, mais sa présence est toujours déterminée, son actualisation est toujours déterminée par votre capacité de le vivre. Et c'est ça que vous appelez, vous autres, de l'intelligence et de la volonté. Et si votre capacité de le vivre est diminuée par votre émotion et votre mental inférieur, le rayon est impuissant à détruire l'énergie de l'âme. Ou c'est plus long. C'est pour ça que je dis souvent, c'est important l'intelligence et la volonté. Parce que c'est l'intelligence et la volonté qui nous permet de comprendre les desseins du frère, mais selon l'équilibre qui existe entre nous autres et lui. Contre l'âme. L'intelligence, c'est de savoir. L'intelligence, c'est de pouvoir actualiser le rayon. C'est ça de l'intelligence. Fait qu'il y a quelque chose qui te casse les pieds, tu mets un hache dedans. C'est de l'intelligence qui est liée à de la volonté. L'actualisation du rayon sur la Terre, c'est de l'intelligence et de la volonté. L'intelligence, c'est pas de savoir. Parce que quand tu actualises le rayon, soit que tu parles n'importe quoi, tu sais, oui. Anyway. Mais aussitôt que tu as de l'émotion et de l'intellect, tu bloques le rayon, tu n'es pas dans l'intelligence du frère. Automatiquement, tu n'as pas l'intelligence que tu pourrais avoir. Automatiquement, tu ne peux pas vivre selon tes propres limites. Automatiquement, tu es moins libre que tu pourrais l'être, ainsi de suite. Bernard, la mémoire, pour moi, la mémoire, c'est des liens. La mémoire, c'est lien. Exact, exemple, comme l'âme, elle, son jeu, c'est pas des liens. Fait que, elle peut très bien te faire croire, mettons, que tu as eu du bien avec le frère, puis là, ça donne des dents. En pensant que tu as un lien avec le frère, t'es pas le frère. Ça, c'est l'âme qui fait interférence pour tarder. C'est son jeu. Oui, parce qu'elle sert toujours de la forme. Puis la forme est toujours, fait toujours partie de la mémoire. C'est pour ça qu'éventuellement, tu en arrives à un point où le. La paix de ton esprit, c'est de ne pas pouvoir penser. Soit de ne pas pouvoir penser pantoute ou de parler avec le frère. Pas pouvoir penser. Ou une partie du frère. Mais pas pouvoir penser. Mais tant que tu penses, automatiquement, il y a de l'émotion dans ta pensée. Automatiquement, regardez vos pensées, vous allez voir, il y a toujours de l'émotion dans votre pensée. Et ça, c'est l'art. C'est pour ça que c'est si difficile à l'homme d'être conscient. D'être cosmique ou d'être universel ou d'être lié au frère. Parce qu'il y a toujours un lien quelque part. Parce qu'il y a toujours un lien. L'âme est toujours là quelque part. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça la conscience supramentale. Parce qu'il y a la conscience émotive, il y a la conscience mentale inférieure, puis il y a la conscience supramentale qui est une autre vibration. Puis lorsque l'homme entre dans cette vibration et vit de cette vibration sous-tend toutes les autres. Parce qu'elle est en dehors de la forme. Fait que quand tu es dans le supramental, ce qui est mental, tu le vois, puis ce qui est émotionnel, tu le vois, tu as un point de référence, c'est télescopique. Mais quand tu n'as pas cette affaire-là encore, parce que tu n'es pas suffisamment dans le rayon, dans l'intelligence du rayon, automatiquement, tu ne vis pas au niveau du supramental, tu vis au niveau du mental et de l'émotionnel. Il faut bien que tu vives à un niveau quelque part. C'est toujours la mémoire de l'âme qui t'empêche de faire la bonne décision. C'est toujours la mémoire de l'âme qui vous cause, qui vous casse les pieds. Jéhovah, ça fait partie. Jéhovah, ça fait partie des hauts gouvernements invisibles, Jéhovah, ce qu'on appelle Jéhovah. Mais, puisque tout doit devenir à se purifier. Où l'influence luciférienne entre dans le mystère de Jéhovah, c'est à cause de l'émotion et du mental. Prenez les témoins de Jéhovah. C'est du monde fantastique, ces gens-là. S'il y a des gens qui veulent évoluer, puis qui si l'humanité aujourd'hui était aussi spirituelle que ces gens-là sont, il y aurait des interférences dans le monde pour élever la conscience de l'homme. Parce que c'est du grand monde, ces gens-là. C'est du bon monde, ces gens-là. Seulement, ils sont encore prisonniers de la forme. Et c'est là que les forces retardent l'évolution de l'âme. Ça veut dire, les grandes forces, là, les citoyennes et l'autre spirituel, si un jour ils veulent l'évolution de l'âme, comme l'autre évolution... Pas l'évolution de l'âme, l'évolution de l'âme. Oui, mais l'âme, par les expériences, évolue... L'âme de l'homme sur la Terre aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, a suffisamment évolué pour avoir donné à la Terre le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme sur la Terre est parfaitement construit dans son corps matériel, son corps émotionnel, son corps mental. Maintenant, le Fils de l'homme doit devenir le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu, c'est le corps volontiel. Et tout ce qui a constitué, qui a servi à la création du Fils de l'homme sur la Terre, en relation avec les expériences de l'âme, doit être totalement neutralisé pour que l'homme devienne un fils de Dieu. L'homme ne peut pas être un fils de l'homme et un fils de Dieu en même temps. Il faut qu'il soit un ou l'autre. L'homme peut comprendre la programmation du fils de l'homme s'il est fils de Dieu et peut comprendre la nécessité du fils de l'homme. Et l'homme étant fils de Dieu peut être très conscient de sa nature antérieure comme ayant été celle du fils de l'homme. Mais il doit en être totalement libre. Et pour qu'il en soit libre, il faut que la mémoire du Fils de l'homme soit détruite pour que le Christ cesse d'être assis à la droite du Père et que le Père soit retranché de la volonté du Fils pour que s'introduise dans la conscience de l'homme et l'application du rayon dans l'univers terrestre, planétaire, la soumission du Père et du Fils à l'Esprit. Il faut que le Père et le Fils soient soumis à l'Esprit. Et tant que le Père et le Fils ne seront pas soumis à l'Esprit, le rayonnement sera impossible sur la terre. Le Père doit être soumis à l'Esprit et le Fils doit être soumis à l'Esprit parce que pour que le Père devienne une valeur fondamentale dans l'évolution des systèmes et que le Fils devienne une valeur primordiale dans la compréhension des systèmes, il faut que l'Esprit soit dans le Fils qui est Fils de l'homme. Et quand l'Esprit est dans le Fils qui est le Fils de l'homme devient Fils de Dieu. Et quand le Fils de l'homme est devenu Fils de Dieu, il comprend la position du Père, du Fils et de l'Esprit. Et il réalise que l'Esprit est supérieur au Père et au Fils dans le temps, mais qu'ils sont égaux dans l'éternité. On va manger. Avant que d'aller plus loin dans l'affaire de la passion, là, y a-t-il des questions sur ça? C'est le matériel que j'ai donné à soir. Vous n'êtes pas plus passionné que ça? La passion, ça existe-tu en dehors d'une action? Ça existe en dehors d'une action? Être passionné en dehors d'une action. Ça peut être vécu dans l'esprit. Le grand amour pour Dieu, c'est une passion. Ça peut tomber au niveau de la contemplation, la passion. La méditation, c'est une forme de passion. Ça peut devenir passionnel si ça devient trop mystique. Volet, le dernier volet sur la passion, le dernier volet, c'est une façon de parler, mais... Toute passion chez l'homme, à quelque niveau que ce soit, à l'intérieur des deux paramètres que j'ai donnés, la passion de l'ego ou la passion de l'esprit, toute passion chez l'homme bloque l'intelligence du rayon, mais permet que le rayon parte. OK? Alors, une passion, ça permet que le rayon passe, mais ça bloque l'intelligence du rayon. Et l'intelligence du rayon ne peut pas être vécue par l'homme, ne peut pas être connue de l'homme s'il y a en lui trop de passion, parce que l'intelligence du rayon, pour qu'elle soit perçue par l'homme, il faut qu'il soit plus ou moins en dehors de la forme de la passion. Et la passion crée une forme émotive ou mentale tellement puissante dans l'homme que lorsque le rayon passe, au lieu d'être unifié, il est diversifié. Et la puissance du rayon dans l'homme, c'est son unification, c'est-à-dire son passage dans l'homme d'un plan à un autre sans qu'il se fracture le rayon. Et comme l'homme fonctionne émotivement et intellectuellement à la fois, s'il y a passion en lui, le rayon passe et se divise. Tandis que lorsque l'homme n'est pas dans la passion, lorsque l'homme ne vit pas la passion, le rayon passe en lui directement et se loge là où il doit, sans que l'autre plan interfère avec sa présence. De sorte que si le rayon passe dans le mental, il arrête dans le mental. S'il passe dans l'émotionnel, il arrête dans l'émotionnel. S'il descend sur un plan inférieur, il se situe sur le plan inférieur, mais il ne fait jamais interférence avec un autre plan. Mais aussitôt que le rayon se divise et s'imprime ou s'active dans les principes de l'homme, les quatre principes de l'homme à la fois, c'est là qu'il y a division et il y a perte d'intelligence. Comme là, je ne veux pas le faire parce que la pièce est petite, puis je ne veux pas le faire parce que j'aime pas ça faire ça. Mais tu sais, quand je crie, Bon, ben, le rayon descend sur un plan et active ce plan-là. Il n'y a pas l'émotion qui bloque le rayon, il n'y a pas le mental qui bloque le rayon. Alors, dans l'expérience de la passion, le rayon est automatiquement divisé et c'est pour ça que lorsqu'on se conscientise, on est obligé d'apprendre, bon gré, mal gré, à perdre l'amour qu'on a de la vie. Parce que l'amour qu'on a de la vie, c'est un amour qui est fondé sur notre passion de la vie. C'est un amour qui est fondé sur notre astralité, notre mentalité. C'est un amour qui est fondé sur une passion quelconque. Mais quand on se conscientise, on perd l'amour de la vie parce qu'on sait que la vie que l'on vit sur le plan matériel, c'est une vie extrêmement inférieure et qui est valable dans ce sens ou à l'intérieur du sens qui nous permet de la vivre sans trop de contraintes. Alors, si tu es dans le rayon et tu n'as pas trop de contraintes sur ta vie, là, la vie vaut la peine d'être vécue. Mais si tu es dans le rayon et qu'il y a trop de contraintes sur ta vie, la vie vaut plus la peine d'être vécue. Mais comme tu t'en vas vers la conscience, tu ne peux pas te détruire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu peux souffrir énormément, mais tu ne peux pas te détruire parce que ensuite le rayon va te soulager, autrement dit, va se retirer de tes corps. Il n'y aura pas autant de puissance vibratoire dans tes corps. Là, tu reviens au normal. Tandis que quand tu es dans la passion de la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'elle est passionnelle. Mais en valant la peine d'être vécue, elle ne peut pas être vécue réellement. Elle est vécue à l'intérieur d'une forme qui devient l'étoffe dont est faite la passion. Si le rayon rentre, le rayon détruit la passion, et dans sa pénétration, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce qu'il y a une souffrance dans son travail. Mais d'un autre côté, au moment où tu ne peux plus prendre la vie telle qu'elle parce qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue, parce que tu n'as plus le support passionnel de ta vie, le rayon, sa force sortit, puis là, tu retombes à l'état normal. Puis à ce moment-là, la vie vaut la peine d'être vécue. Mais elle ne peut pas valoir la peine d'être vécue, la vie, quand le rayon travaille sur tes corps. Mais elle vaut la peine d'être vécue quand le rayon a cessé son travail sur tes corps, puis tu commences à relaxer. T'as un break. Alors, la vie vaut la peine d'être vécue de deux façons. Soit à l'intérieur de la passion, et à ce moment-là, la vie est mal vécue parce qu'elle n'est pas consciente, mais elle est vécue suffisamment dans le sens que l'homme veut bien la vivre parce qu'il a justement les formes qui le soutiennent dans cette perspective-là. Quand l'homme se conscientise, à ce moment-là, la vie vaut la peine d'être vécue simplement quand le rayon cesse son activité sur les corps de l'homme, autrement dit, quand on ne souffre pas du rayon. Mais quand on souffre du rayon, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Puis quand on souffre bien gros du rayon, on a plein le cul de la conscience. Puis quand on a plein le cul de la conscience, on veut rien savoir de la vie. On veut rien savoir de toute la tapatante. C'est pour ça que je dis souvent, vous autres, vous m'arrivez des fois avec des questions concernant l'invisible, papapapa, toute la patente, là. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas souffert de la patente. Fait que vous avez encore de la curiosité de la patente, vous êtes intéressé à la patente, vous êtes intéressé à ce qui se passe de l'autre bord. Vous êtes bien plus intéressé à ce qui se passe de l'autre bord que ce qui se passe dans votre petite vie de tous les jours. Parce que vous ne savez pas assez souffert dans votre petite vie de tous les jours par le rayon. Mais si le rayon vous avait fait souffrir dans votre petite vie de tous les jours, suffisamment intensément, vous ne seriez pas intéressé à ce qui se passe dans l'invisible. Vous ne seriez pas intéressé à ce qui se passe au niveau du rayon. Vous ne seriez pas intéressé à rien de ce qui est occulte. Mais ce qui fait que vous êtes intéressé à l'occulte, c'est parce que vous avez pas assez souffert du rayon dans votre vie. Parce que quand tu as souffert du rayon dans la vie, tu n'es pas intéressé à l'occulte, tu es intéressé rien qu'à tout de suite. Ta maison, ta job, de l'argent dans tes poches, puis de nourriture. Parce que quand le rayon commence à agir dans l'homme à un certain moment, et qu'il détruit dans l'homme l'étoffe dont est faite la vie, ce qui est la passion, il ne te reste pas grand-chose. Puis si en plus de ça, il continue le rayon à faire son travail, il te reste encore moins de grand-chose. Tu es réellement dans le négatif, tu es dans le rouge. Puis quand tu es trop dans le rouge, le rayon est obligé d'arrêter, sans ça on se détruirait. Ça éclate, mais on ne peut pas se détruire. Parce que le rayon sortit. Et si le rayon veut faire vibrer tous les corps, puis nettoyer tous les corps, puis réellement mettre les corps à sa vibration, sans qu'il n'y ait aucune interférence, il est obligé de fusionner avec vous autres. Là, à ce moment-là, que tu passes à n'importe quelle étape du rayonnement dans tes corps, tu ne peux pas te détruire parce que tu es fusionné. Fait que là, tu es safe. Quand c'est fort, ça travaille fort, puis vous vous sentez près de la folie, c'est parce que c'est le rayon qui travaille. Puis c'est là que ça devient très important pour vous autres de développer une résistance à ce niveau-là, puis de comprendre ce que je vous dis quand je vous dis mettez vos nœuds, puis attendez, sacré, c'est bon, mais mettez vos nœuds. Déjà, quand même, je pense que c'est de la révolte. Ouais. Ouais. Alors, l'affaire de la passion, ce qui arrive, c'est que la passion, pour nous autres, c'est un gros support. Puis, on le perd, ce support-là. Et plus on perd ce support-là, plus il est facile au rayon de pénétrer en nous autres. Puis, c'est là qu'on est plus apte à souffrir du rayon. Mais d'un autre côté, c'est là qu'on est plus apte à comprendre le rayon. Puis il y a un équilibre là, bien subtil entre la compréhension du rayon et la souffrance du rayon. Comprendre le rayon, souffrance du rayon. Comprendre le rayon, souffrance du rayon. Puis éventuellement, la souffrance du rayon et la compréhension du rayon est égalisée. Puis à ce moment-là, vous rentrez dans une autre étape de la conscience. Ça, c'est celle de la volonté. Mais le rayon est toujours... Bon, là, je veux que vous compreniez ça parce que dans l'étape de la volonté, il y a comme des degrés de volonté. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de... Il y a des degrés de pénétration du rayon, puis il y a des degrés de réaction au rayon de la part de l'homme. Et... plus l'homme se conscientise, plus il entre dans sa volonté. Autrement dit, plus il est intelligent. Bien important, l'intelligence. Plus l'homme est intelligent, plus il va voir à travers la plus il va voir à travers la nécessité que ça arrête. Autrement dit, plus l'homme devient intelligent, plus il va voir la nécessité qu'à un certain moment dans sa vie, ça c'est bon pour tout le monde ce que je veux dire, que ça arrête l'initiation. L'initiation solaire, à un certain moment dans la vie de l'homme, il faut que ça arrête. Mais c'est subtil. Ça arrête quand ça a fait son travail. Tu comprends ce que je veux dire? L'ego, il veut toujours que ça arrête. Je vais te l'expliquer, là, si tu fermes ta boîte, tu m'écoutes. L'ego est toujours pris dans des formes. Il y a toujours des formes. Puis le rayon se sert des formes. Il s'en sert des formes. Mais éventuellement, l'ego sort tellement des formes qu'il rentre dans l'intelligence du rayon. Puis c'est là, quand l'ego rentre dans l'intelligence du rayon parce qu'il a suffisamment sorti des formes qui ont été créées par l'intelligence du rayon en lui. Ça, c'est bien important. Il y a deux sortes de formes. Il y a des formes qui font partie de la mémoire de l'âme. Mais il y a des formes qui sont créées par le rayon. Tu sais, quand vous communiquez avec eux autres, là, puis ils vous parlent, là, c'est eux autres qui vous créent des formes. Pis c'est bien important, cette partie-là. Tu peux être en dehors de la forme, de la mémoire. tu peux être en dehors des formes égoïques, égocentriques. Mais le rayon peut te créer des formes dans ta tête. Parce que tu es sensible au rayon, patati patata, parce que tu peux communiquer. Puis le rayon va se servir de ces formes-là pour l'initiation. C'est un changement d'intelligence de forme. C'est un changement de but dans la forme. C'est comme dans ces formes-là, dans les formes créées par le rayon, il y a toujours une intelligence derrière la forme. Autrement dit, tu... Quand tu es inconscient, écoutez bien ça, là. Quand tu es inconscient, tu subis la forme. OK? Là, tu te conscientises, tu deviens un petit peu plus intelligent, là. OK, tu comprends ça. Après ça, la communication avec le rayon se fait et le rayon va te créer des formes, il va te faire créer des formes, il va te dire, bon, mais il va te dire, je te donne un exemple, là. Il va dire, achète-toi une maison, ou on laisse ta maison, là, puis va-t'en dans le nord. C'est dans le nord que ça se passe. Bernard est dans le nord, puis il y a des aides de lumière qui vont venir dans le nord, puis les aides de lumière, ils vont vous organiser ça, eux autres. Toi, que t'es un beau niaiseux, tu vends ta maison, tu t'en viens dans le nord, ton initiation commence. Est-ce qu'il crée les formes? Laisse-moi venir. Non, répondre à ta question. Il y a deux formes, il y a deux sortes de formes. Il y a les formes qui font partie de votre mémoire, ça vous êtes assez intelligent pour comprendre ça. Mais il y a des formes qui font partie de l'intelligence du rayon, puis ça, vous n'êtes pas assez intelligent de comprendre ça, tant que vous n'avez pas détruit la volonté et la volonté du rayon de créer ces formes-là. Attends une minute, madame, va revenir. Je ne veux pas faire mon film. C'est bien important, ça. Ça, c'est la clé à... Ça, c'est la clé à la fin de l'initiation. Il y a des formes qui font partie de votre mémoire, votre niaiserie, votre ignorance humaine. OK. Après ça, vous devenez un petit peu plus smart, oui, un petit peu plus clair. Là, à ce moment-là, le rayon va vous créer des formes à cause du contact que vous avez avant. Vous n'aviez pas de contact. Vous vous serviez de votre intellect, là, puis votre... tu sais? Mais là, c'est plus votre intellect que vous servez. Vous écoutez dans votre tête. Puis là, ça vous dit, ben, me vendre donc ta maison, va-t'en dans le nord, il y a des œufs de lumière qui s'en viennent là-bas, là, on va s'organiser pour toi. Là, tu vas à ta maison, t'arrives là-bas, t'es obligé de vivre dans un motel, comme un niaiseux. Comprends-tu? Bon, à ce moment-là, c'est toujours une game. Puis, détruire les formes créées par l'intelligence du rayon, c'est bien plus difficile que de détruire les formes de votre mémoire. Parce que, moi, quand je vous parle des formes de votre mémoire, ben, vous dites, bon, ça a bien du bon sens, ça, tu sais. Ce qui a du bon sens, ça a du bon sens. Mais de détruire les formes créées par votre rayon, c'est subtil parce que, si vous arrivez à moi et vous dites, Bernard, ils me disent de vendre ma maison, puis, moyen non, n'importe quoi. Si vous me dites, ça à moi, vous allez... Parce que vous voulez avoir une confirmation, quelque chose. Vous savez ce que je vais vous dire? Je vais dire, sois bien sûr de ce que tu fais. Moi, je dirai jamais, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, niaiseux. Parce que moi, je fais partie du rayon. Tu comprends? Tu comprends? Attends une minute, laisse-moi parler de mon fil, là. Fait que moi, je suis complice à eux autres tout le temps, mais d'une façon particulière. Complice dans ce sens que moi, je l'ai détruit, l'intelligence. Moi, j'ai détruit la forme créée par le rayon en moi. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai été fusionné en 69, puis ça m'a pris 10 ans pour en sortir. Alors, j'ai détruit dans mon expérience la forme créée par l'intelligence du rayon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le pouvoir sur la Terre d'instruire l'homme. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un pouvoir. Parce qu'il n'y a pas un Christ d'entité dans le cosmos qui peut dire, Bernard, t'as pas raison, parce que je suis dans le rayon. Tu sais, il n'y a personne qui peut me contredire dans l'invisible, moi, parce que j'ai toujours raison. Puis j'ai toujours raison, pourquoi? Parce que j'ai détruit les formes créées par l'intelligence du rayon. Autrement dit, je suis dans l'intelligence du rayon. Alors, mais, comme vous autres, vous avez à rentrer dans votre propre intelligence, et que moi, je ne peux pas vous donner de conseils dans votre vie, si tu m'arrives et tu me dis, je devrais-tu faire telle, telle chose, je ne vous donnerai jamais de conseils. Mais je vais vous parler de telle façon que je vais vous mettre la puce à l'oreille. C'est ça, ma job. Je peux pas aller contre le rayon. Mais c'est subtil. Ouais, c'est subtil. C'est très subtil, c'est ça que je vous l'explique. Là. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Fait que moi, à cause de mon expérience, je vous ai dit quand je vous ai rencontré, j'ai dit, croyez-les pas. Parce que moi, je sais une chose, c'est que le rayon, quand tu es conscientisé, il s'actualise en toi anyway. Ils s'actualisent anyway. Fait que t'as pas besoin de leur demander l'heure, eux autres. T'as pas besoin de leur demander si tu devrais t'acheter une maison. Tu vas le sentir si tu veux une maison. Puis tu vas le sentir si t'as la capacité de t'acheter une maison. Puis tu vas sentir si c'est le temps. Puis tu vas sentir si c'est pas le temps. Puis tu vas sentir si c'est à la bonne place ou si c'est pas à la bonne place. Ça, c'est être dans l'intelligence du rayon. Mais vous autres, c'est pas ça que vous faites. Vous dites, je devrais-tu m'acheter une maison? La première chose qu'ils vont te dire, ben oui. Tu vas dire, je devrais-tu l'acheter à Saint-Sauveur? Ils vont dire, ben non, va-t'en à Saint-Adèle, Bernard est là. Tu sais? Comment elle veut dire? Oui, mais ce qui est difficile à un moment donné, là, c'est quand on vit l'isolement psychique, quand on est en train de changer de vie, il y a plein de choses qui arrivent. Évidemment que devient propriétaire, c'est ta propriété, mais la capacité en fond, là, ça veut dire entre la première idée qui nous passe en tête, oui, la mais, capacité qu'on a. Mais je vous ai donné des points de référence, moi. Puis je vous ai dit, croyez-les jamais. Servez-vous toujours de votre intelligence. Servez-vous. Votre intelligence, c'est l'actualisation du rayon en vous. Il est coloré, d'accord? Mais c'est toujours l'actualisation du rayon. Une fois que vous êtes en dehors des formes, ou suffisamment en dehors des formes, ou que vous connaissez la loi des formes, et que vous avez été donné les points de référence que je vous donne, à ce moment-là, vous êtes capable d'agir et de vivre intelligemment au lieu de vivre sans intelligence. Autrement dit, de vivre en relation avec ce qu'eux autres vous disent. Eux autres, ils vont toujours vous casser des pieds. Parce que eux autres sont obligés, une fois que vous êtes conscient d'eux autres, sont obligés de vous créer des formes dans votre mental pour vous amener à pouvoir les détruire. Et quand vous en arrivez à détruire ces formes-là qui sont toutes proportionnelles à votre émotif et votre mental, à ce moment-là, vous entrez dans l'intelligence du rayon, puis c'est ça qu'ils veulent. Comment ça prendra 15 ans? Comment tu achèterais une maison, puis tu tomberas en banqueroute, ou tu perdrais parce que tu ne pouvais pas payer? Ils s'en crissent comme dans l'an 40, eux autres, parce qu'eux autres, ils savent qu'en 1992, tu vas en avoir un autre, puis tu vas être intelligent, puis tu vas comprendre bien les affaires. Mais toi, in the meantime, tu te fais enculer. Pas tout ça. Alors, tu veux dire? Mais c'est important parce que vous faites les points sur les distinctions. Ben, je l'ai fait, là. Je n'ai pas fini. Ouais. Moi, je peux pas tout vous dire de la même chose. Tu sais, j'ai un temps, il y a un temps. Puis, il faut que vous avanciez puis comprendre certaines choses avant de comprendre d'autres choses. Fait que je parle des formes, je mets tout ça dans un bol, des formes, au début. Mais là, je vous le dis, il y a deux sortes de formes. Il y a des formes qui font partie de votre mémoire, qui font partie de votre tempérament, votre expérience, votre caractère, Là, vous êtes assez intelligent pour comprendre ça, ces affaires-là. Puis, il y a d'autres formes qui sont créées par eux autres, dans votre esprit, Et c'est là que vous, il faut que vous fassiez attention. Et c'est ça qui va vous amener le discernement. Parce que le discernement, c'est le résultat de l'expérience de ces formes-là au fur et à mesure que vous vivez. Fait qu'éventuellement, tu vois clair en maudit, puis c'est ça le discernement. Puis c'est pour ça qu'éventuellement, le discernement, c'est la grande qualité de l'intelligence de l'homme, autrement dit, l'intelligence de l'homme qui est dans le rayon, qui est en relation avec le rayon. Fait que c'est pour ça que moi, vous pouvez pas vous servir de moi comme égalisateur, comme point de sécurité ou je peux pas vous sécuriser, moi je vous sécuriserai jamais, mais je peux vous donner des points qui vous permettront de comprendre les lois de la forme créée par le rayon pour l'initiation solaire et non les formes qui ont été créées au cours de votre évolution dans le passé pour l'expérience de l'âme. Et s'il y a des situations dans votre vie qui nécessitent des décisions majeures, souvent je vais vous dire, bon ben, tu peux faire telle chose ou telle chose, parce que je sais que émotivement ou mentalement, vous ne seriez pas capable de prendre des décisions, de ces décisions-là, et je sais que si vous preniez ces décisions-là, ça influencera votre vie pendant 10, 15 ou 20 ans. Alors, pour empêcher qu'il y ait une perte d'énergie à ce niveau-là, à cause du fait que vous n'êtes pas encore suffisamment dans votre intelligence, là, je veux dire, pense-y bien à ce que tu fais là, là. Puis moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. Mais check avec eux autres. Fait qu'aussitôt que vous checkez avec eux autres, puis qu'eux autres corroborent ce que moi, je vous dis, là, ça vous empêche de perdre de l'énergie pendant 10 ou 15 ans. Mais tout ce qui est de votre expérience rapprochée de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, je pourrai jamais vous aider, moi, à ce niveau-là. Faut que vous passiez à travers. Tout ce que je peux vous dire, c'est comment ça marche. Bon, le doute, ça fait partie de ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que de l'intelligence, ce n'est pas le contact entre eux autres et nous autres. Ça, c'est bien important. Écoutez-la bien, celle-là, là. De l'intelligence cosmique, de l'intelligence. Ce n'est pas le contact entre eux autres et nous autres. C'est notre capacité. C'est notre capacité de détruire les formes que le rayon crée. C'est exactement ça. C'est ça de l'intelligence. C'est notre capacité de détruire les formes que le rayon crée. C'est ça l'intelligence cosmique. C'est pour ça que... Exactement. Parce que tu as déjà la capacité de le faire. Mais, Bernard, moi, je pense de même. Je dirais, moi, c'est détruire la forme de la forme. Exemple, là, tu installes une forme. C'est, tu dis, bon, ben il y a des formes qui sont du rayon, puis il y a des formes qui sont de l'âme. Là, ben, mettons, tu as une expérience à vivre. Là, mettons, tu as un voyage. Bon. Là, tu sais pas trop, là, bon, ben, Si tu t'embarques dans tu sais pas trop, c'est-tu l'âme, c'est-tu deux autres, tant que tu taponnes, t'embarques dans leur jeu. Non. Si tu taponnes entre l'âme ou eux autres, si vous, c'est bon que tu rapportes ce point-là. Ouais, mais peut-être que je veux juste finir. Okay. Si tu taponnes, là, puis à un moment tu dis, wow, ça fait. J'ai-tu le goût de prendre l'avion, oui ou non? J'apprends. Puis si c'est eux autres, t'as oui, je vais en appeler. Là, à ce moment-là, t'arrêtes de taponner. Puis tu fais ça. C'est ça. Tu fais toi. C'est ça. Exactement. À ce moment-là, que ce soit eux autres, que ce soit le père de Noël, que ce soit le client. C'est exactement la même chose. Comme il y a du monde qui me dit, ça vient-tu de l'astral, ça, ou non, ça vient-tu du canal, tu sais? Bon. Occupe-toi-en pas si ça vient de l'astral ou du canal. Arrange-toi pour voir à travers le jeu. Fait qu'à ce moment-là, t'es correct. Bon, mais c'est la même chose. Sans ça, ça finit plus. Exactement. Mais il faut le savoir. Comprends? Il faut le savoir. Parce que ce comme, regarde, là, comme moi, là, je vous parle, moi, là, là. Je vous parle, là. Puis, je suis de même. Je les écoute pas, eux autres. Ils ont pas, j'ai pas besoin de les écouter. J'actualise. Là, c'est pas ce que je fais, là. C'est pas ce que je me repose. Je sais pas ce que je fais, en tout cas. Tu comprends? J'ai pas besoin d'eux autres. Ils sont là, j'actualise l'énergie, anyway. Mais il faut qu'on en arrive à vivre de même. Hein? Faire. Faire. Faire. Parler, c'est faire. Avec la bouche.